Samuel Lauzon microphone et vous écoutez votre magazine de culture scientifique Futur Simple au CKRL 89.1. Pour la deuxième partie de l'heure, j'avais envie d'aborder un sujet qui est tout nouveau pour moi. En fait, pour la petite histoire, il y a quelques mois, je me suis acheté un cellulaire. Rien d'exceptionnel, surtout en 2022. Et pourtant, détrompez-vous, c'était mon premier cellulaire. Et oui, tel un Gaulois repoussant l'envahisseur romain, je refusais jusqu'à tout récemment d'avoir un téléphone intelligent. C'est ainsi que je me suis mis à recevoir une quantité importante de notifications sur ma vieille montre de course, qui, une fois connectée à mon cellulaire, est devenue comme par magie intelligente. Petit à petit, je me suis rendu compte que je regardais plus souvent mes courriels, que je passais plus de temps sur les médias sociaux, que ça m'arrivait plus souvent d'acheter en ligne. Wow! Vraiment, en quelques mois, j'avais créé des nouvelles habitudes. Je me suis mis à me poser des questions. Mais pourquoi c'est difficile de se défaire de nos mauvaises habitudes? Puis est-ce que la technologie peut nous aider à créer de bonnes habitudes? C'est comme ça que j'ai rencontré le professeur Alexander Chung. Alexander est professeur assistant au département de système d'information organisationnelle de l'Université Laval. Il s'intéresse justement aux systèmes d'information et à leur capacité d'influencer le comportement humain. J'avais donc une foule de questions pour lui. Allez, je vous emmène avec moi découvrir ce monde fascinant entre psychologie et technologie. Bonjour Alexander. Bonjour Samuel. Pour débuter, j'avais envie de vous poser une question que plusieurs personnes se posent. Pourquoi c'est si difficile de créer des bonnes habitudes ou de changer des mauvaises habitudes? C'est une question à laquelle il est très difficile de répondre. Je pense que c'est différent pour chacune. Ce que je peux dire, c'est que les nouvelles habitudes sont difficiles à créer parce que les résultats attendus ne se produisent pas immédiatement. Par exemple, tous les effets bénéfiques de l'exercice physique sur le corps ne sont pas visibles immédiatement après avoir fait du sport. Ah oui. Puisque les résultats ne sont pas immédiats, nous avons tendance à remettre à plus tard, à croire que nous avons encore le temps et que ce n'est pas une priorité. Oui, nous oublions que l'échec fait partie du processus et que ce processus est long et complexe. Il est préférable de commencer petit à petit. Nous devons nous concentrer sur des comportements précis et simples, de petites étapes. Nous sommes tous très ambitieux et nous visions toujours plus haut, surtout lorsque nous pensons à long terme. Nous devons reconnaître que nous connaîtrons probablement de bons et de mauvais jours. Oui, c'est vrai qu'on commence un nouvel entraînement. On veut des résultats rapides et on n'est pas tellement patient. On voudrait que tout arrive le plus rapidement possible. Oui, c'est exactement ça. Mais je me demandais, tous les jours sur les médias sociaux ou sur notre téléphone, nous sommes bombardés de publicités, nous vendant le mérite de la nouvelle application à la mode. Ces applications nous promettent d'améliorer notre santé physique et mentale de manière simple, rapide et efficace. Mais avec cette abondance d'applications, il est souvent difficile pour l'usager de savoir laquelle choisir. Avec toute cette abondance, comment gérer les attentes des utilisateurs face aux nouvelles applications mobiles? C'est une très bonne question, car les études montrent que l'une des raisons pour lesquelles les gens cessent d'utiliser ces applications est qu'elles ne répondent pas à leurs attentes. Lorsque vous payez ou que vous vous abonnez à une application, vos attentes sont élevées. De plus, les applications ont tendance à faire de la publicité et de la promotion d'une manière qui augmente nos attentes. Par conséquent, nous nous attendons à voir des résultats immédiatement. Que l'application soit efficace à long terme ou non, les gens ont tendance à abandonner si elles ne répondent pas immédiatement à leurs attentes. Il est important que ces applications soient transparentes sur ce qu'elles peuvent et ne peuvent pas faire pour les utilisateurs. Oui, oui. Les concepteurs doivent être honnêtes sur les efforts nécessaires pour obtenir de bons résultats avec leur application. Oui, très intéressant. Vous parlez de transparence et d'honnêteté, mais d'après vous, est-ce que les usagers sont bien outillés pour choisir la bonne application? Moi, je pense que non. Ils ne le sont pas du tout. Il y a tellement de nouvelles applications et de nouvelles technologies. Il est très difficile de déterminer comment ces technologies vont affecter nos comportements tant que nous ne l'avons pas utilisées. Oui, tout à fait. Et j'imagine avec la panoplie d'applications toujours plus performantes les unes que les autres qu'on retrouve sur nos téléphones, entre autres, ça doit vraiment être difficile de trouver la bonne. Mais est-ce qu'il y a vraiment est-ce qu'il y a un risque réel ou c'est plutôt comme seulement un petit problème? Moi, je pense qu'il y a vraiment des risques réels. Les risques les plus évidents sont la perte du temps ou d'argent, mais les risques les plus dangereux sont les risques physiques et les risques psychologiques. D'un point de vue physique, une application peut ne pas être basée sur des pratiques éprouvées et il peut suggérer aux utilisateurs de faire quelque chose qui leur serait nuisible. Par exemple, une application peut suggérer à un utilisateur de faire un exercice qui n'est pas adapté à son état de santé, par exemple. Cela peut être entraîner des blessures et des douleurs inutiles pour l'utilisateur. D'un point de vue psychologique, un mauvais message peut être très démotivant. Les applications qui utilisent la punition comme motivation peuvent causer plus de tort aux utilisateurs sur le long terme. Et aussi, je pense que nous avons tous vu les effets de la dépendance aux médias sociaux sur l'image corporelle et la confiance en soi. Oui, c'est très intéressant ce que vous dites, surtout au sujet des effets négatifs. Mais sachant justement que certaines applications peuvent avoir des effets négatifs sur le comportement des gens et qu'il est très difficile de changer les mauvaises habitudes, quels sont les moyens que vous avez développés pour modifier le comportement humain de manière plus saine? Il est très difficile de changer les mauvaises habitudes. De nombreuses solutions technologiques se concentrent actuellement sur des techniques basées sur par exemple, la planification, la récompense, le suivi, et toutes ces techniques sont directement dépendantes à l'utilisateur. Les utilisateurs doivent prendre des décisions conscientes. Oui, mais qu'est-ce que vous voulez dire exactement par des solutions technologiques basées sur la planification, la récompense et le suivi des bonnes habitudes? Un exemple de ce type de technologie, ce sont des montres intelligentes. Ils proposent un calendrier d'entraînement, des graphiques pour suivre vos progrès et des récompenses comme des badges. Mais toutefois, un aspect qui est présent dans la littérature psychologique et qui est souvent oublié avec les applications, c'est le changement de l'environnement. Je pense qu'avec la disponibilité de plus grand nombre d'appareils de l'Internet des objets, il sera possible de modifier l'environnement pour aider les gens à se défaire de leurs mauvaises habitudes. Il sera aussi possible de prendre de bonnes habitudes dans un environnement plus stable grâce à ces nouvelles technologies. Oui, c'est très intéressant, mais vous parlez de l'Internet des objets. Qu'est-ce que vous voulez dire exactement par là? C'est quelque chose que l'on voit plus en plus dans nos maisons. Ce sont des objets connectés à l'Internet qui permettent une communication entre les biens physiques et leur existence numérique. Parmi les exemples de ces dispositifs, citons les lumières, les frigos, les rideaux, les aspirateurs qui sont connectés à votre téléphone. Oui, oui. Une application peut reconnaître que vous venez d'entrer dans votre maison et allumer la lumière de la salle de bain pour vous encourager à aller vous laver les mains. OK, oui. Et nous pouvons également aider les gens à établir des routines et des habitudes le matin. Par exemple, la cafetière se déclenche lorsque vous vous levez et les rideaux s'ouvrent par eux-mêmes. Oui, si je me trompe pas, c'est ce qu'on appelle la domotique. Dans le fond, en stabilisant notre routine, nous sommes plus susceptibles de créer des nouvelles et des bonnes habitudes. Oui, exactement. Mais pensez-vous vraiment qu'une application peut réellement remplacer le soutien et les conseils d'un professionnel comme un physiothérapeute, un diététicien ou un entraîneur? Je ne crois pas que les applications remplaceront un jour les professionnels. Ce que je vois dans l'avenir, c'est que les applications et les professionnels travaillent en équipe et offrent une bien meilleure expérience aux clients ou aux patients. À l'heure actuelle, il existe un fossé très large entre les professionnels de la santé et les applications. Parfois, les conseils peuvent être contradictoires et ce qui sème la confusion chez les utilisateurs. Ok, oui, je vois. En plus des services qu'ils peuvent offrir, comme les massages ou le nettoyage des dents, les professionnels peuvent fournir un sentiment de responsabilité, ce que les applications ne peuvent pas offrir. Mais qu'est-ce que vous voulez dire exactement par responsabilité, un sentiment de responsabilité? Par exemple, nous pouvons désactiver les no notifications sur notre téléphone lorsque nous sommes ennuyés, mais en sachant que nous avons un rendez-vous avec un professionnel, nous avons tendance à être plus responsables et à adopter le bon comportement. Oui. Par exemple, je sais que beaucoup d'entre nous utiliseront le fil dentaire plus souvent. Si nous avons prochainement un rendez-vous chez le dentiste. Oui, effectivement, on a tous tendance à faire un peu fort, à faire un petit peu plus d'efforts juste avant d'aller voir le dentiste. Mais pensez-vous qu'à l'heure actuelle, les professionnels disposent de suffisamment d'informations pour recommander les bonnes applications et le bon usage? Nous avons récemment organisé deux groupes de discussion avec différents professionnels, comme les physiothérapeutes, des dentistes et des formateurs. Nous leur avons demandé si leur organisation professionnelle leur avait fourni des conseils sur les applications qu'ils pouvaient recommander. La réponse a été négative pour tout le monde. Nous leur avons ensuite demandé ce qu'ils faisaient si le client leur demandait des recommandations d'applications. La plupart des participants n'avaient pas de réponse claire ou se sont abstenus de faire des recommandations. OK, quand même, ouais. C'est justement la prochaine étape de ma recherche. Elle consistera à examiner comment les organisations professionnelles peuvent soutenir le membre, lui fournir des conseils ainsi que des formations. Sachant que les applications ont le pouvoir d'influencer notre comportement, il est important d'aider les praticiens dans cet aspect de leur travail. OK, donc si je comprends bien, les prochaines étapes de votre travail, c'est de favoriser la formation d'un genre de dream team entre professionnels et applications pour offrir les meilleurs services, la meilleure expérience aux patients. Oui, c'est exactement ça. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Merci Alexander Chung pour ce tour d'horizon de vos travaux. Je rappelle que vous êtes professeur assistant au département de système d'information organisationnelle de l'Université Laval. Je vous remercie d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui. Merci pour l'invitation. C'est déjà la fin de Futur Simple, mais nous serons de retour la semaine prochaine sans faute. Pour le moment, je vous invite à rester à l'écoute de CKRL 89.1. C'est l'heure de En aparté avec Calypso Lemoine.